avec un oiseau de passage, un petit gars sur le chemin, en plein échouage. Tu ne vaux pas un bout de pain, tu découvres par hasard un air de rien, tu rentreras tard ce soir pour oublier le destin. Et tu te mets à l'envers, tu ne te rappelles de rien, et pourtant y'a cet air épris dans tes reins. Et tu bouges et tu danses comme si c'était la dernière. Cet air te met en transe, tu décolles de la terre, et ça te lève le matin, te réveille de bonheur, et ça revient le soir. C'est un chant de malheur, et y'a ton cœur qui bat encore et encore, et ta main qui va toujours plus fort. Ça te prendrait le bateau sur un quai de campagne, un sac sur le dos avec pour seule compagne cette musique qui t'entête, et cette histoire, ce rythme dans ta tête, ces trois accords de guitare. Et ça tourne et ça valse, ouais c'est pire que le manège, mais vas-y ça t'enlace, que t'es pris dans le piège. Elle te tendrait même la main sur le bord d'une route, allez trace ton chemin, on sait ce que ça coûte. Et ça vient le matin, taper dans ton cœur, et ça revient le soir. C'est un chant de malheur, et y'a ton cœur qui va encore et encore, et ta main qui va toujours plus fort. Comme une feuille qui tombe, comme un oiseau se meurt, abattu à la fronde, touché en plein cœur. Elle est inévitable, elle entre dans la tête comme une pierre mémorable, comme un hymne à la fête. Elle rend hommage aux pirates, aux infréquentables, à vous les acrobates qui ont mangé à ma table, aux regards que j'ai croisés, que je garde dans mon cœur, à toutes nos soirées, ces moments de chaleur. Ça nous prenait au matin, la main sur le cœur, et ça durait jusqu'au soir, sur un bout de comptoir. C'était pire qu'un mirage, quand on se mettait à sauter, c'était comme un soir d'orage, en plein cœur de l'été. Quand on creusera ma tombe, je veux une dernière.